Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent avec silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent avec silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Maraud à la sainteté, de bonjour. Bonjour, frère Julien. Que la grâce, la paix, l'amour, la communion de notre Seigneur vous soient multipliés. Amen. Savez-vous que je vous aime? Je le sais, frère. Ah, le sait, c'est réciproque. Non, ça reste, hein? La sœur Flora est partie où? Elle est partie avec son mari. On voit bon, frère, je suis là. Mais tu as seulement mis la caméra, tu montes le plafond là maintenant. La sœur, c'est tout. Ah, ah, ok. La sœur, c'est tout. Bonjour. Oui, frère. Je suis là. Mm-hmm. Bonjour, frère Junior. Voilà. Le frère Benjamin est en poste. Eh, hey, shalom, frère Junior. Oui. La Baba a poussé sur la montagne, n'est-ce pas? Amen. La sœur Rizienne est aussi là, n'est-ce pas? Je suis là, frère Junior. Saint-Sucinot. Elle est en poste. Alors, on aborde maintenant la deuxième partie. Dans la, de la de, première partie, nous avons vu les fraudes dans les business. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Donc, nous abordons la suite des questions dont notre frère posé dans la première partie. L'ordination, d'où ça vient, la présentation des enfants et les visites en enfer. Les visites que nous voyons, ça pullule sur YouTube aujourd'hui. Telle personne dit... J'ai vu telle personne en enfer, d'autres disent non, c'est telle chose, j'ai vu telle autre chose, non. D'autres racontent des choses contradictoires. Le même Jésus a montré telle personne en enfer. L'autre personne vit encore avec ce même Jésus que je sais, Jésus n'a pas montré quelqu'un, que la personne est plutôt au paradis. Les chrétiens sont désemparés aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il en est? Donc, choisissez donc maintenant, je ne sais pas, le frère qui a posé les questions. Nous abordons lequel des questions maintenant. Il y a l'ordination, la présentation des enfants au Seigneur, la visite en enfer qui reste à épurer avant qu'on passe aux questions suivantes. Frère Olivier, on prend quelle question? On peut... Oh, vous m'entendez? C'est un succès. Frère Julien. Oui. Ok. Je disais qu'on peut prendre, par exemple, l'ordination et la présentation des enfants, on le met ensemble comme ça, puis après on tombe dans les visites en enfer. Voilà, justement, puisque les deux sont jumelés, ils sont liés d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas, frère? Voilà, que Dieu te bénisse. Alors les autres frères, si vous êtes d'accord, on procède ainsi. On est d'accord, je suis d'accord. Voilà. Amen, amen, amen. Vous savez, les choses que nous avons trouvées en milieu religieux aujourd'hui, il y a tellement un grand danger que si quelqu'un accepte des choses au dépend de la parole de Dieu, sans vérifier, accepte pour vrai et prend cela pour vrai, il se pourrait que cette personne soit en train d'être trompée sans s'en rendre compte. Beaucoup de nos pratiques, beaucoup de ce que nous avons au milieu d'église, enfin de toute façon, depuis un certain temps, vous en avez remarqué effectivement que ce qu'on prêche et ce qu'on dit dans la Bible sont généralement contraires. Vous avez vécu certainement et puis vous avez vu des choses, vous entendez les enseignements, vous avez comme l'impression que ce sont les enseignements qui ont des problèmes, alors qu'en réalité c'est les doctrines qu'on a toujours enseignées qui avaient des problèmes. Dieu amène donc les gens à réformer, à retourner à la parole. Donc, avant de répondre à ces questions de l'ordination et de la présentation des enfants du Seigneur, je vais d'abord dire certaines petites choses pour qu'on puisse bien se saisir. C'est que quand Dieu dit une chose, dès le départ, la sœur Claire a son micro ouvert avec la sœur Albertine. Donc, quand vous bougez, là, ça bouge et ça dérange. Donc, lorsque Dieu a dit quelque chose dans sa parole, c'est définitif. Et s'il a dit quelque chose dans la loi, et que cette chose-là, c'est une ombre, il faut que sa réalité soit présentée dans la nouvelle alliance. La deuxième chose, c'est que Dieu est dans la progression de la révélation. Dieu est dans la progression de la révélation. Dieu qui a commencé dans la Genèse à montrer des choses, il est montré au fur et à mesure pour qu'on puisse voir ça clairement, jusqu'à ce qu'il est tombé sous la loi. Et il nous a fait montrer cela clairement dans le Nouveau Testament. Jusque là, dans le Nouveau Testament, il y a des zones d'ombre qui doivent être révélées clairement. Souvenez-vous de cela. Si vous n'avez jamais entendu cela, entendez aujourd'hui. Il y a des choses dans le Nouveau Testament qui sont encore aussi l'ombre, mais que ce sera clairement révélé bientôt. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire pourquoi. Si la soeur Claire, je crois que c'est elle qui a expliqué aujourd'hui que les poupées la suivent. Elle a fait quoi? Elle a volé la poupée de qui? Elle a fait quoi avec les poupées? Vous voyez, il y a des choses que même si vous faites n'importe comment, vous ne comprendrez pas. Si vous avez perdu un parent, vous ne pouvez pas donner une explication claire de pourquoi vous l'avez perdu. Pourquoi à cette période-là, cet incident-là est arrivé? Vous ne pouvez pas donner clairement le pourquoi vous vous trouvez dans la situation où vous vous trouvez maintenant. Vous ne pouvez pas donner le pourquoi. D'abord, vous êtes femme ou bien homme. Vous ne pouvez pas dire le pourquoi. Ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament comme ça, le pourquoi vous êtes homme, le pourquoi vous êtes femme, le pourquoi vous êtes marié à cette femme, le pourquoi vous êtes marié à cet homme, le pourquoi vous n'êtes pas encore marié. Il n'y a pas ça écrit. Vous voyez, ces grandes vérités concernant notre personne, les grandes vérités concernant notre personne sera révélées quand Christ viendra. C'est ce que le Saint-Esprit dit dans les Saintes Écritures. Si vous me regardez comme ça, je vous montre dans les... Je vous dis, vous voyez, tu veux porter mes verres, non? Donc, je peux parler clairement. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 13. Vous voyez, quand quelqu'un va entendre, vous allez dire que, mais on dit que le Nouveau Testament a tout révélé. Que non, ce n'est pas ce que je viens de dire. Je viens de dire qu'il y a des ombres dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament que personne ne peut éclaircir. Et Dieu l'a mis comme ça. J'arrive. Nous sommes en train de traiter de la fraude. Non, on a fini avec la fraude dans la première partie. Nous traitons de l'ordination et de la présentation des enfants au Seigneur. Donc, ces petites choses, il faut qu'il les dise d'abord avant d'entrer en plein pied, de plein pied dans ces choses-là. Lisez le verset 8, voir du chapitre 13 que les témoins de Jéhovah aiment beaucoup. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Verset 12 enfin. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Stop. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce que l'apôtre a dit là? Il ne parle pas de ceux de la loi. Il a dit aujourd'hui. Donc il parle sous la grâce. Donc sous la grâce, il y a l'obscurité. Sous la grâce, il y a l'obscurité qui n'a rien à voir avec l'obscurité de l'Ancien Testament. Il y a l'obscurité dans la nouvelle alliance qui sera révélée et éclaircie par la lumière, l'éclatante venue de notre Seigneur. Alors, relis encore ça, mon frère, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Oui. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce langage-là? Je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors, ça veut dire que tout sur ta personne, le pourquoi tu es né, telle chose qui t'est arrivée dans l'enfant, telle chose, telle personnalité était morte, telle personne qui te fait du mal, ta tante qui te voulait te tuer à sorcellerie, toutes ces choses, même si tu veux n'importe comment, tu peux pas connaître. Oui, la Bible déclare que les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées, c'est pour lui, c'est pour ses enfants. Mais il n'est pas obligé de tout révéler sur nous. Parce que là-bas, là, clairement, on dit clairement que nous voyons comme au moyen des miroirs. Et le miroir réfléchit seulement. Donc, ce sont des réflexions que nous sommes en train de voir. Les réflexions, quand quelque chose réfléchit pour projeter une image. Alors, donc, s'il faut que ces choses soient claires avant que je n'avance. Dans l'Ancien Testament, donc, se trouvent des choses en nombre. Le Nouveau Testament éclaircit cela. Pour les gens qui doivent lire, si vous voulez lire le livre d'Exode, Lévitique et Nombre, et puis Deutéronome, et puis lire pleinement le livre d'Hébreux. Vous allez comprendre effectivement comment l'apôtre Paul passe le temps à expliquer ces choses-là qui étaient de l'ombre et ainsi de suite. Mais maintenant, je ne vais pas m'atteler là-dessus à expliquer ce qu'il avait expliqué. Je vais dire quelque chose. C'est que si quelque chose est de l'ombre et que sa réalité est déjà venue, ça ne doit plus venir sur la scène pour être fait. C'est la première des choses. Par exemple, le bouc qu'on offrait, le sang qu'on offrait pour les sacrifices, même si quelqu'un dit pour la bonne intention qu'il a une révélation claire que Dieu est venu lui dire qu'il faut qu'il donne le mouton en sacrifice. Tout ce qu'il fait là, c'est la fraude. Vous voyez ce que les musulmans font là. Encore que même on n'a pas obéi, on n'a pas donné qu'ils font la fête des moutons, qu'ils fassent ces choses là. Qu'ils ont dit que non, chaque famille fait les moutons. Vous voyez, ils embrouillent à gauche, ils embrouillent à droite. De toute façon, quand tu es dans la ténèbre, tu ne peux pas savoir où tu vas, dit Jésus. Alors, quand quelque chose est dans l'ombre et que la réalité a été déjà accomplie, on ne peut plus revenir avec l'ombre pour le faire accomplir. Parce que sa réalité est là. Quand la réalité est là, vous ne pouvez pas. Si vous voyez quelqu'un à votre droite en train de venir, vous voyez son ombre au sol, vous vous fixez sur l'ombre. Quand la personne vient, effectivement, se présenter devant vous, vous ne pouvez pas laisser la personne devant vous, vous regardez encore à l'ombre. Parce que la personne est là pleinement. Vous me suivez, n'est-ce pas, frères et sœurs? Alors, Amen. Dans la Bible, donc, se trouvent trois sacerdoces principales. Écoutez très attentivement. Je suis en train de parler de l'ordination maintenant. Dans la Bible parle de trois sacerdoces. Le premier sacerdoce, c'est le sacerdoce mandianite. C'est le premier. Le sacerdoce mandianite. Là, le souverain sacrificateur, c'est le beau-père de Moïse, à Madian. Ce souverain sacrificateur-là, il a ce style de prophète là-bas. Vous savez d'où était sorti, Balaam? De Mandian. Ok. Vous voyez effectivement comment il offrait les mêmes offrandes que Moïse offrait, n'est-ce pas? Amen. Voilà. La deuxième chose, c'est que la deuxième sacrificature ou sacerdoce, c'est le sacerdoce lévitique. Parce que Moïse vient sous Jéthro. Jéthro est déjà sacrificateur des Madian. Avant que Moïse reçoive plus tard le sacerdoce lévitique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce qui est premier, c'est le sacerdoce mandianite. Je vais y revenir dans ces jours, dans un enseignement, le pourquoi Moïse allait consulter son beau-père, ce que Dieu a été fait avec Madian. Alors, il y a le sacerdoce mandianite, parce qu'en fait, dans le sacerdoce lévitique, se trouve incorporé le sacerdoce mandianite. Ce que les Madian faisaient se trouve incorporé dans le sacerdoce lévitique. Mais la chose, c'est que avant ces deux sacerdoces-là, est prophétisé le sacerdoce de Melchisédek, dans Genèse chapitre 14. Vous y êtes? Lorsque Abraham rentre du combat et que Melchisédek vient au devant de lui dans Genèse chapitre 14, la Bible déclare qu'Abraham lui donna la dîme des taux. Hébreux chapitre 7 nous explique, si vous lisez les 7 premiers versets de Hébreux chapitre 7 nous explique que ce n'est pas Moïse, ce n'est pas notre père Abraham qui a en réalité payé sa dîme, comme les pasteurs ont des têtes tordues de l'argent là. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Abraham qui payait la dîme, mais c'était Lévi qui était au sein d'Abraham dans ses reins. Lorsque Abraham est allé au devant de Melchisédek, c'était lui qui payait la dîme. Je suis obligé de m'arrêter là pour bien vous expliquer les choses. Ouvrez Hébreux là, ouvrez Hébreux, on y va. Je vais enlever mes verres lorsque j'aurai fini de parler ces choses-là. Vous allez seulement voir mes yeux quand j'aurai fini de parler. Vous y êtes? Quelqu'un, vous y êtes? Hébreux chapitre 7, je veux que quelqu'un me lise le verset 7 et 10, véritablement. Lisez bien avec la bonne lecture. Allons-y. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Car il était en... Le verset 7 et 10. Non, le verset 7 à 10. 7 à 10, ok. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Maintenant, je veux que vous arrêtez là-bas. Vous avez ces versets devant vous. Maintenant, je vous pose la question. Qui est Lévi? L'un des fils de Jacob. Bien. C'est désagréable. L'un des fils de Jacob. Une fille choisie par Dieu comme un sacrificateur. Merci. Vous, si vous avez des problèmes, vous avez les bruits chez vous, n'ouvrez pas votre micro pour que ça influe sur. La petite Aurélie, bonjour. Du côté de Bordeaux là. Bonjour Aurélie, ça va? Où est Daniel? Je suis pas là. Et Daniel, Daniel. Ça va, Daniel? Bonjour. Oui. Mais tu passes et comme ça, tu passes dans la salle comme ça, tu passes jouer, tu ne me salues pas, c'est normal. Non. Tu as bien voyagé. Oui. Tu as bien voyagé. Oui. Sois sage, d'accord? Okay. Tu dois honorer ta famille. Ne sois pas parmi les délinquants, parmi les enfants dépravés de ces siècles. Si le Seigneur veut t'utiliser, donc fais attention, préserve ton corps. Tu as compris? Oui, tonton. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, ma soeur, veille sur cet enfant. Veille sur cet enfant, sur ces garçons. Maintenant, on revient dans notre prédication ici. J'étais en train de parler de ce hébreu là. Remarquez très attentivement, je vous pose la question concernant Lévi. Lévi, je veux que quelqu'un me donne la généalogie, par exemple, les cinq premiers ou bien quatre premières personnalités avant Abraham. Après Abraham, allons-y. Après Abraham, allons-y. Abraham. Abraham, Isaac. Oui. Jacob. Joseph et ses frères. Voilà, Joseph et ses frères. Merci, frère. Donc, vous voyez qu'ici, on a un problème. Lorsque Dieu fait quelque chose et il le mentionne dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Et Dieu merci pour ces choses, pour ces explications dans le livre d'Hébreux. Lorsque les pasteurs parlent, disent qu'on paye les dîmes, ils prennent le livre de Genèse, chapitre 14, en disant que Abraham lui-même a payé la dîme. La Bible explique qu'Abraham n'a jamais payé la dîme, qu'il ne payait pas pour lui. Donc, vous voyez que les pasteurs doivent être seulement être malhonnêtes pour ne pas admettre que, en fait, vous ne pouvez pas donner autre explication, autre que ce que la Bible a déjà donné. Parce que la Bible déclare ici, en expliquant ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 14. Parce que la Bible déclare, on parle de Melchisédek. On voulait expliquer Melchisédek. On dit c'est Melchisédek qui allait au devant d'Abraham. Et lorsque Abraham revenait du combat de là, c'est Melchisédek, sans père, sans mère, ainsi de suite. On arrive ici, on dit considérez combien est grand le patriarche auquel, celui auquel le patriarche Abraham a donné la dîme. Vous voyez cela? Considérez-le. On a dit d'indiquer Melchisédek. Puis on explique ici au verset 10, enfin au verset 10, 9 là, de plus Lévi qui perçoit la dîme. On dit Lévi, on dit clairement que c'est Lévi qui doit percevoir la dîme parce que Lévi, le sacerdoce lévitique, le sacerdoce a eu à porter le nom de Lévi parce que c'était le Lévi avec qui Dieu avait fait alliance comme le dit le livre de Malachie chapitre 2. Alors, la Bible déclare que Lévi qui perçoit la dîme, non c'est Lévi qui doit percevoir la dîme. Ce n'est pas les sacrificateurs, c'est Lévi qui perçoit, ça entre dans ses mains avant que le dispatching ne soit fait. On dit Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé. Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé. L'a payé. Frère. Oui. Ça veut dire que si on comprend bien, Abraham n'a pas payé sa dîme. il a payé plutôt la dîme, c'est de Lévite. Une fois de plus, je vais encore redire ça sur deux mots. Abraham n'a pas payé sa dîme. Abraham n'a pas payé la dîme de Lévi. C'était, dit la Bible, Lévi qui était en train de payer. C'est ce qui est écrit là-bas. Verset 9 encore. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. C'est un peu comme vous entendez quelqu'un vous doit de l'argent, vous envoyez votre fils pour le donner. Vous donnez pour aller remettre cet argent, n'est-ce pas, frère? Et puis vous dites que j'ai payé mon argent par mon fils. J'étais payé ton argent par mon fils. Donc vous êtes passé par votre fils pour donner cet argent-là. N'est-ce pas si vous comprenez? J'arrive. Regardez. Allez dans le verset 9. Prenez le verset 9. Je vais vous faire quelque chose. Ouvrez encore le verset 9. Prenez votre stylo comme moi. Je vais vous faire quelque chose. Vous y êtes? Soulignez Lévi. Soulignez seulement ce que je vous demande de souligner. Soulignez Lévi. Vous avez souligné? Soulignez la payer. Je crois qu'il y a quelqu'un, un enfant qui a pleuré chez le frère Olivier. D'un, fermez ton micro. Après avoir souligné Lévi, soulignez la payer. Si vous avez fait, vous me dites, je vous donne encore d'autres instructions. Vous y êtes? Nous y sommes. Soulignez par Abraham. Maintenant, si vous avez souligné, je veux que quelqu'un me lise dans cette phrase-là ce que vous avez souligné. Allons-y, en commençant par le premier. Allons-y, vous lisez comme c'était une phrase. Allons-y. Lévi l'a payé par Abraham. Voilà. Alors, vous ressortez maintenant ce qu'on dit dans ces versets. Vous avez vu ça? Elle apostrophe dans la payer est mis pour la dîme qui précède. Parce que vous voyez, payer là et accorder. E à saint aigu, E mien. Parce que la dîme, c'est au féminin. Donc, Lévi l'a payé. A payé quoi? La dîme. Et Lévi a payé la dîme par Abraham. Donc, ce n'est pas Abraham qui a payé la dîme, n'est-ce pas, mes frères? Donc, si vous voyez votre pasteur qui dit que non, la première mention de dîme, c'est dans Genèse chapitre 14, c'est une bonne histoire, c'est une bonne information qui vient de vous donner. S'il dit que c'est Abraham qui payait la dîme, dit que non, frère, c'est une fausse information parce que la Bible dit que c'est Lévi qui payait la dîme. Il demande que où est-ce que Lévi était, est-ce que Lévi a existé à cette époque? Vous dites que le verset 10 dit que car il était encore dans les règnes de son père lorsque Melchizedek allait au devant d'Abraham. Maintenant, je pose la question, est-ce que Abraham est le père de Lévi? Direct. Non. Maintenant, Abraham engendre qui? Isaac. Isaac engendre qui? Jacob. Jacob engendre qui? Simeon, Reuben, ensuite Lévi. Les 12 plus la sa fille, ça c'est 13, n'est-ce pas? Les 13, n'est-ce pas? Là, je vous pose une question. N'essayez pas de me tourner. Je veux que vous me répondiez. Pourquoi c'est spécifiquement Lévi qui a payé la dîme ici? Mais que c'est de pourtant parce que si c'était écoutez-moi très attentivement, si c'était Isaac, au moins si on disait que c'était Isaac, on pouvait comprendre que c'est l'enfant qui sort de son ventre, c'est normal, pas vrai? Mais ici, Isaac sera dans le ventre, il va sortir à ce moment-là, il va sortir, puis Isaac lui-même va engendrer deux fils, Ismaël et Jacob, c'est ça, non? Ésaü et Jacob. La conséquence ne passe pas par Esaü, ça passe par Jacob. On ne dit pas que non seulement que c'est Jacob qui paye, mais on ne dit pas que non seulement c'est pour tous les fils, mais on dit que c'est l'un seulement des fils qui paye. Et on l'appelle que c'est Abraham son père. Donc normalement, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a les 12. Pourquoi c'est Lévi qu'on cite que Lévi a payé la dîme? Je veux que vous m'expliquiez. Vous voyez qu'on ne doit pas seulement, on ne doit pas seulement lire la Bible à la levée, à la en rigolant avec les choses de Dieu comme ça, n'est-ce pas, frère? Non. Oui. Si vous m'entendez. C'est sûr, c'est. Bon. Si on voit bien, c'est la quatrième génération. Oui. La quatrième génération, c'est-à-dire après du patriarche Abraham. Oui. Donc, c'est Lévi. Lévi qui vient payer, on voit la position aussi de Lévi, je crois que Lévi est et 382. Lévi est troisième des trois. Oui. Ruben, Simeon, mm-hmm. Lévi, oui. Voilà. Essaye de, bon. Essaye de nous décortiquer ça, le frère Olivier. Décortique nous la cherche. Et on voit là comment on appelle. Abraham, la Bible nous fait savoir que c'est Lévi qui paye la, l'autre la dîme. Ça lui paye la dîme par, comment on appelle, par le biais de, d'Abraham. Tu vois, n'est-ce pas? Oui. Là, je suis un peu troublé. Ah. Je te vois venir. Vous voyez, Félix, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais je vais revenir sur cette explication-ci plus longtemps, plus explicite dans les enseignements. Mais je vais vous dire en donnant des briefs par rapport à cela. Maintenant, vous remarquez que la révélation tout à l'heure, vous a dit que Dieu va, la révélation de Dieu va croissant. Et j'ai expliqué d'abord que le sacerdoce mandianite est venu avant. Mais avant cela, est révélé d'abord d'autres sacerdoces. Et Genèse chapitre 14 montre un sacerdoce qui devrait venir sur la scène. Un sacerdoce intransmissible appelé le sacerdoce de Melchisedec. Donc vous voyez effectivement que Melchisedec se présente devant Abraham. Et Abraham rentre dans ce contexte-ci dans la victoire. Pour le récompenser, il lui donne le pain et le vin. Pour montrer effectivement que, en réalité, c'est après le combat qu'il y aura le couronnement. Après ce combat, donc, maintenant, Dieu lui-même va venir en scène lui-même pour exercer un sacerdoce. C'est ce sacerdoce maintenant qui vient, qui montre que Melchisedec se présente à Abraham. Et la Bible déclare que quand le sacerdoce va se présenter, l'autre sacerdoce qui sera sur la place va se soumettre à ce sacerdoce. C'est pour ça que c'est Lévi qui lui-même qui doit payer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça prouve. Vous m'entendez là? Oui, frère. Ça veut dire clairement que le sacerdoce lévitique devrait, dans la suite des temps, se soumettre et disparaître sous le sacerdoce de Melchisedec. Vous avez moi? Ça veut dire alors que le geste qui s'est passé entre Abraham et Melchisedec, c'est aussi une prophétie qui montre ce qui va arriver. Mais c'est ce que Jean a expliqué ici depuis. C'est ce que Jean a expliqué. Mmh. C'est pour ça qu'il dit que lorsque quelque chose est prophétisé, ou mieux, est dans l'ombre, et que la réalité est là, ça ne doit plus venir sur la scène. Quand vous comprenez ces choses, vous allez comprendre pourquoi les gens qui passent le temps à dire que la dîme, ce sont des mangers tout simplement. Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses-ci. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Dans ce livre, chapitre 17, la Bible déclare au verset 11, vous lisez du verset 11 jusqu'au verset 18, la Bible déclare que le sacerdoce a été changé. Or, la personne qui payait la dîme payait pour montrer qu'il doit se soumettre plus tard au sacerdoce lévitique, quoi, au sacerdoce de Melchisedec. Or, quand ça change, ça introduit, la Bible déclare que l'introduction d'un meilleur sacerdoce. Et donc, l'introduction du meilleur sacerdoce vient, les gens font toujours rentrer les gens encore sur le sacerdoce lévitique. Je ne sais pas si vous comprenez, on a des problèmes. Ils sont étudiés ces choses-là parce que sous le sacerdoce lévitique, il y a une façon d'agir dans le culte. Il faut que je vous explique ces choses-là. On va expliquer, je vais expliquer jusqu'à on va toucher l'ordination maintenant avec ces enfants-là. C'est pour ça que je suis passé par ici pour vous montrer clairement. Donc, le sacerdoce lévitique était un sacerdoce temporaire pour conduire les gens à la foi, à la manifestation de la foi lorsque la foi viendrait. C'est ce que Galates chapitre 3 nous explique. Pourquoi dans la loi? Elle a été donnée à cause des transgressions pour nous garder comme un pédagogue jusqu'à la postérité à qui la promesse avait été faite. D'accord? Maintenant, avant que la foi vienne, nous ils sont gardés sous l'égide de la loi. La loi étant, enfin, sous l'égide de la loi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues-là. Donc, dans la loi sacrificielle venant des Lévitiques, sur le sacerdoce lévitique. Alors, donc, sur ce sacerdoce-là, Dieu dit clairement ici, par ces révélations, que le sacerdoce lévitique doit quitter la scène et qu'il doit se soumettre à un autre sacerdoce. Donc, ici, sont annoncés deux sacerdoces. C'est donc pour cela qu'on n'a pas dit que c'est le Ruben qui allait leur donner la dîme, c'est Abraham, c'est Jacob, c'est Lévi. Parce que c'est Lévi, son alliance est avec Lévi. D'accord? Son alliance de sacerdoce est avec Lévi. C'est pour ça qu'on parle de sacerdoce lévitique. Vous êtes là, frère? Amen. Bien-aimé. Oui. Abraham faisait ce geste même. Il a fait un geste prophétique sans même se rendre compte que, comment la peine, qu'il est en train de payer quelque chose pour son petit-fils, on peut le dire. Exactement. Et qui parle ici, ça veut dire qu'il parle ici avec un inconnu qui était aussi sacrificateur, qui parle ici aussi de l'aide de son enfant qui va figurer le sauveur du monde. Oui, exactement. Donc il a, c'est une prophétie qui parle un peu de deux sacerdotes. Oui. Qu'on appelle Abraham à afficher dans cet acte. Oui. Donc, et c'est là le mystère vraiment que les hommes ne comprennent pas en mélangeant les choses. Quand on bon, ça, on va, ça c'est sur la dîme. Je vous laisse maintenant de continuer maintenant. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Vous voyez que toutes ces choses-là sont liées ensemble. Si on ne comprend pas ces choses, on va tomber toujours en dérision. Alors, dans le sacerdoce, ici, dans le geste de Genèse, chapitre 14, fait état de la rencontre et de la promesse entre Dieu et Abraham, parce que c'est le père, la source de la foi, à qui la postérité, la promesse de la postérité a été donnée. Dieu donc lui dit par ces gestes que la postérité que tu donnes avant que ça devienne en action, la descendance qui aura le sacerdoce va se soumettre à au fils dont l'origine remonte aux temps anciens, qui n'a ni père, ni mère, ni sang. Vous ne vous posez pas de questions qu'on dit qu'il est roi de Salem, et ainsi de suite. Ce n'est pas un royaume qui est sur la terre. C'est le sacrificateur qui vit pour toujours dans un royaume éternel. Et Abraham n'a pas eu peur de lui, il n'a pas dit que celui-ci sort d'où. Vous voyez? Parce que le prophète le connaît. Le prophète le connaît, le prophète Abraham le connaît. Et remarquez très attentivement, qu'Abraham a dit qu'il ne prend pas quoi que ce soit par rapport au truc de la victoire. Pourquoi on ne dit pas que ce sont tous ceux qui l'ont enrichi? Le frère Prince, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Julien. Voilà, on ne te voit pas. Il faut que ta famille. Oui, il faut que la famille te voit. Mets ta caméra. La première réaction que vous devez avoir, c'est... Chaque fois quand vous connectez, c'est au moins le temps. Vous êtes distants les uns les autres. Mettez les caméras pour pouvoir vous voir. D'accord? Mettez les caméras pour pouvoir vous voir, communier. Là, c'est mieux. Voilà. Frère Julien. Oui, mon cher frère Olivier. Je voudrais un peu parler quelque chose sur la caméra, l'importance de la caméra, que les frères et sœurs ignorent ça sous un angle spirituel. Oui, mon frère. Quand nous connaissons comme ça, Dieu peut révéler la vie de quelqu'un en présentant l'image qu'on a vu physiquement là. Oui. Donc, on peut partager à un frère ou bien une sœur. Oui. Mais si on est là, on ne se connaît pas, ça, c'est vraiment très, c'est pas tellement bien. C'est ce que je voudrais un peu dire. C'est vraiment, il y a de l'importance que je vois dans la caméra. Que Dieu te bénisse. Ce mur-là doit être brisé. Quand vous connectez avec la caméra, il n'y a pas de choses à cacher. Encore même que vous êtes dans la communion, vous êtes la communion fraternelle. D'accord? Quand les gens sont dans le monde, ils veulent causer, ils font des, vous appelez chat, quoi, ils font avec la caméra. Vous parlez de la Bible, vous ne vous voyez pas. Quelqu'un peut être, c'est pour ça que j'insiste que vous mettiez la caméra pour que je vous voie, que vous êtes concentré sur ce que je suis en train de dire. Parce que si elle fait ça et que maman Charlotte est en train de préparer, maman Abelson de préparer la sauce tomate là, je vais d'abord l'interpeller qu'elle vienne s'asseoir pour écouter. Parce que c'est ce qu'on a envie de dire là, important. Il faut qu'il soit sûr que mais les interlocuteurs sont en train de m'écouter. Sinon vous êtes déconcentré, vous dites oui, vous bougez la tête alors qu'on n'est pas en train d'écouter. Donc on laisse le travail de Marthe. Lorsqu'on a de parler de la parole, on s'échange la parole en se voyant. Alors le frère Prince, ferme le micro, la frère, la maman Abetil, fermez le micro comme ça on continue. Et permettez-moi de développer ceci jusqu'à définir, puis vous passe la parole. Donc si vous avez quelque chose à dire, fermez la porte. Je ferme la porte. Vous voulez qu'il ferme la porte comment ici? Je ne peux pas vous fermer la porte de mon cœur. Moi, je vous aime. D'accord? Alors, j'ai tant de donc, permettez-moi que je développe ceci et puis je reviens vers vous. Je vous passe la parole. Donc, si vous avez quelque chose, parce que je peux être en train de parler comme ça, quelque chose vous monte sur le cœur. Si vous n'écrivez pas, ça va disparaître. Donc, et un stylo entre les mains. Quand vous me posez une question, j'ai une feuille sur laquelle je note les questions. Alors, et une feuille également. Pendant que je suis en train de parler, si vous avez des questions à noter, vous notez et puis vous revenez. Donc, il faut qu'il développe ces choses aussi. On comprend, d'après ce qu'on le dit, qu'il y a la loi. Et il y a les choses de la loi qui devraient s'accomplir. Il y a des principes de cette loi-là. Il y a des sacerdotes et le sacerdoce de Lévitique devrait faire place au sacerdoce Melchisédek. Et effectivement, ça a pris pas parce que sur la terre, maintenant, nous ne voyons pas ces sacerdotes. Mais, souvenez-vous, ce sacerdoce va encore refaire surface chez les Juifs. C'est ce que la Bible nous prophétise. Il y aura encore ces choses-là avec les sacrifices qui seront encore faits là-bas lorsque le temple sera fait. On va rétablir l'autel de Dieu là-bas. Maintenant, pour le moment, nous sommes encore avec le sacerdoce de Melchisédek. Alors, ce sacerdoce étant introduit, ce sacerdoce a donc les modalités. Sur le sacerdoce lévitique, prenez le livre d'Exode, notez le chapitre 28, chapitre 29 des sacerdotes, le sacerdoce lévitique. Exode, chapitre 28 et 29. Que Dieu vous bénisse. Vous y êtes? Donc, on va lire ceci et puis je vais vraiment vous parler maintenant de façon crue. La sœur Abetine, ton micro n'est pas fermé. Ouais, le frère Willy là-bas derrière avec le blanc, il a porté le blanc comme le sacrificateur des temps modernes. Il est en blanc, comme le sacrificateur. Ah, mon frère Eli. Voilà. Donc, nous parlons là de l'ordination pastorale et nous allons trouver, on va toucher la présentation des enfants. Alors, la question qu'on va dégager maintenant, c'est les pasteurs vont faire des formations aujourd'hui. À la suite de leur formation, ils achètent des toges et au-delà, ils achètent des toges, des choses. Et dans une cérémonie de ce qu'on appelle la consécration officielle, on les présente en assemblée en faisant des pompes, des choses pompantes tout autour. La question, on va regarder ce qui se passe dans l'ancien sacerdoce, c'est-à-dire la sacerdoce de la Lévitique, et puis on va voir si dans le Nouveau Testament c'est écrit ainsi. C'est pour ça que je voulais définir toutes ces choses pour que vous voyez la différence entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de la nouvelle alliance. Maintenant, on va se poser des questions. Est-ce que l'ordination que le pasteur fait, quand les pasteurs ont fait la formation et puis on les consacre là, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est normal? Si c'est non, écoutez-moi très attentivement. Alors, ces pasteurs qui sont en train de se consacrer sont en train d'entrer dans une association des sorciers. C'est, en tout cas, que vous le vouliez ou pas, moi j'assume, ce sont des sorciers. C'est l'initiation à la sorcellerie religieuse. Ça, c'est ce qu'il faut le dire. Parce qu'en réalité, ce qu'on va sortir au sortir, on va voir que c'est étranger à la Bible. Ça n'a rien à voir avec Dieu a ordonné. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a ordonné. Maintenant, on va prendre également la consécration des enfants au Seigneur. On va voir effectivement ce que la Bible en disait par rapport à la consécration, ce qu'ils appellent la présentation des enfants au Seigneur. Vous comprenez? Donc, on va voir cela. Amen. Préparez dans Lévitique chapitre, j'ai dit quoi, Exode chapitre 28. Exode chapitre 28. Oui, chapitre 28. Donc tout le monde ouvre la Bible. Tout le monde ouvre la Bible. Le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Vous êtes à Exode chapitre 28. Dans Exode chapitre 28 et chapitre 29, la Bible parle de la confection des vêtements sacerdotaux, ainsi de suite, de la consécration des sacrificateurs. Je vais seulement piper parce que c'est long. Vous devez prendre le temps pour lire ces deux passages-là. D'accord? Vous devez prendre le temps pour lire ces deux passages, ces deux livres-là, pour pouvoir voir à la lumière de ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous allons donc voir au travers de là, parce que nous avons défini qu'il y a deux sacerdoces concernant la Bible, mais il y avait un premier sacerdoce qui était là, mais qui est contenu dans le deuxième sacerdoce. C'est-à-dire que le sacerdoce mamanzianique a été incrusté et injecté dans le sacerdoce lévitique. Et le sacerdoce lévitique a fait place dans le sacerdoce de Melchisédek. D'accord? Donc, il faut qu'on voit certaines choses concernant le sacerdoce lévitique. Et c'est ça qu'on va voir ici maintenant. Puis on va se poser des questions sur les autres sacerdotes, le deuxième sacerdoce dont le sacerdoce lévitique a fait place. C'est ça qui va nous meubler maintenant. Et on va donc toucher par ricochet donc l'une des choses donc qui appartient donc à ce sacerdoce-là, la présentation des enfants au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui, les dimanches matins, ou bien il y a des services de consécration où on dit qu'on présente les enfants au Seigneur. On va voir si c'est scripturaire ce qu'ils font en train de faire. Alors, Lévitique, Exode chapitre 28. Vous y êtes? Je vais lire à partir du verset 1 du chapitre 28. Donc, vérifiez dans votre dans les Saintes Écritures. À partir du verset 1 du chapitre 28 d'Exode. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Et prends parmi les enfants d'Israël. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Vous voyez le groupe de mots, n'est-ce pas? Pour les consacrer. Pour les mettre à part, pour les sanctifier, les séparer de leurs frères afin qu'ils entrent dans le service. Il dit pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Verset 2. Écoutez très attentivement. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Soulignez vêtements sacrés. « pour marquer sa dignité. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez encadrer maintenant pour marquer sa dignité. Donc, le vêtement sacré a un signe. C'est le marquage, le démarquage que Dieu a eu son regard sur toi d'une certaine façon. Et la Bible déclare dans ce même livre d'Exode, dans ce livre d'Hébreu que nous avons lu tout à l'heure, on dit que personne n'est si riche de ce titre-là, le souverain sacrificateur, comme le fut Aaron. Vous voyez? Parce que cette dignité-là, on détient cela de Dieu. Donc, personne ne peut se prévaloir d'être sacrificateur. Ça doit venir de Dieu. Et dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, ce principe n'a pas changé. C'est pour ça que Dieu a dit au Melchizedek que tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Alors donc, Dieu dit ici, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Ces vêtements sont sacrés. Gardez-vous à l'esprit parce qu'on va toucher la nouvelle alliance tout à l'heure. Donc les vêtements que les gens doivent porter dans le sacerdoce doivent être sacrés. Ok. Maintenant, il dit pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure, d'ornement. Donc, les vêtements sont sacrés. C'est pour marquer sa dignité. Quand on voit cela, on voit ça qu'il est en honneur. Et deuxième chose, ça le orne. Verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. C'est le sacerdoce de Dieu. Et donc Dieu s'est choisi les gens qui doivent coudre les vêtements. C'est terrible. Et il met son esprit dans ces personnes pour que les gens puissent coudre le vêtement que doivent porter les sacrificateurs. N'est-ce pas terrible? Donc, le vêtement ne veut pas être fait par n'importe qui. Pas comme les pasteurs aujourd'hui ouvrent des écoles théologiques et ils demandent à leurs femmes qui sont allées faire la formation en IH, industrie d'habillement, et que le marché, c'est sa femme qui gagne. Vous voyez cela? Suivez mon regard. Devant son église, il y a une petite restauration. C'est sa femme qui a l'exclusivité de vendre les jus d'orange là-bas avec des gâteaux. Si vous venez vendre, il faut passer par sa femme. Vous voyez des salas sorcières. J'arrive. Verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils. Écoutez, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils employeront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Si j'avais du temps, et quoique dans un autre enseignement, je n'aime pas enseigner. C'est déjà des choses qui sont profondes dans les Saintes Écritures. Je n'aime pas enseigner ça de façon virtuelle. J'aime enseigner les gens sont devant moi pour bien me voir. Regardez, ces choses-ci telles que données, l'or, la présence de l'or, des étoffes peintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, en fin lin, même les trucs de fil de dauphin, tout ceci ont des significations spirituelles dans le corps de Christ. Des réalités dans le corps de Christ, donc des explications, c'est à quoi ça réfère. Ok. Verset 6. Ils feront l'éphod d'or, le fil bleu, pourpre et cramoisi, et des fins lin rétors. Il sera artistement travaillé. On y fera deux épaulettes qui le joindront par ses deux extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'effort est fixé sur lui. Souvenez-vous, la personne qui vient de parler, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne les modalités des styles de vêtements. Verset 8. La ceinture sera du même travail que l'effort est fixé sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin rétors. Tu prendras deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Gardez bien le verset 9. Tu y graveras les noms des fils d'Israël. Six de leurs noms sur une pierre et les six autres sur la seconde pierre d'après l'ordre de naissance. Frère, que le pasteur se repente, je vous le dis, je peux m'arrêter seulement ici et parler pendant 2 heures. Donc vous voyez effectivement que ce n'était pas des habits fantaisistes que les gens portaient. Ça avait des significations. Les façons que les couleurs... Tout à l'heure vous avez posé la question dans la première partie, j'entendais quelqu'un poser la question sur la couleur d'émeraude. Qu'est-ce que ça signifiait? La topaze et autres là-bas. Vous remarquez effectivement que chaque tribu avait sa couleur et sa signification. En tout cas, on va voir ici. Les 12 tribus, chaque personne a sa couleur. Donc, effectivement, et ça montre l'alliance et la signification prophétique par rapport aux différentes tribus. Lorsque vous allez lire Genèse, je me sens vraiment bien maintenant. Là, je me sens vraiment bien. J'espère que personne ne doit perturber cette séance ici. Lorsque vous allez lire Genèse chapitre 49, par rapport à la prophétie donnée par le prophète Israël, et puis vous lisez Deutéronome chapitre 32, la prophétie donnée par Moïse à ce même peuple-là, vous allez voir comment il va aller positionner régionalement. Et vous rentrez maintenant dans le livre des juges. le livre de Josué au chapitre 13 et 14, lorsque le moment arrive maintenant sur la répartition du peuple sur le territoire, vous allez voir que les choses seront positionnées telles que prophétisées dans l'Ancienne Alliance, dans la Genèse et puis dans Deutéronome. Maintenant là, Israël, lorsqu'il faut... Oh mon Dieu, je me sens tellement bien. Je sais pas, s'il vous plaît, calmez-moi si ça va vite. Calmez-moi, d'accord? Calmez-moi. Maintenant, si vous prenez le livre de Nombre au chapitre 13, chapitre 14, vous voyez lorsque Israël va sortir. Prenez le nombre du premier chapitre jusqu'au 14e chapitre. Lorsque Israël va sortir, Dieu va donner l'ordre du campement. La façon dont il fallait se camper importait. Vous voyez cela? Et il devait se camper comme... Ah mon Dieu, j'ai dit, je me sens vraiment, je ne sais pas si, comment on va faire ces choses-ci. Père, que ton nom seul soit glorifié. Je ne sais pas. Je crois que je vais devoir avaler des choses. Il faut qu'on se rencontre physiquement. Il faut qu'on soit physique pour ces genre de choses-ci. Il faut qu'on soit physique. Ha. Alors, dans le livre des Nombres, donc, vous allez voir, je crois que je vais prendre l'une de mes Bibles là. Remarquez très attentivement, l'arche de l'Alliance est carré comme ça, comme votre Bible à vous, carré. Et puis là, c'est assorti des différents outils où on devrait transporter. Là, l'arche de l'Alliance devait être transportée, mais la façon dont Israël devrait marcher devant l'arche de l'Alliance importait. Il y avait trois peuples, parce qu'ils sont 12, et l'arche de l'Alliance est en quatre côtés, donc c'est une figure à quatre côtés. Et 4 fois 3 font 12. Donc, les tribus étaient regroupées régionalement. En Occident, à l'Orient, au Midi et au Septentrion. 3 par 3. D'accord, frères et sœurs? C'est pas si vous me saisissez. Donc, leur positionnement géographique par rapport à l'âge de la guerre était prophétique. Par rapport à ces 4 bêtes dont vous allez lire dans le livre d'Exode, enfin, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5 et 6, où il y avait 4 bêtes devant le trône. Je ne sais pas si vous avez la liste là. Les 4 êtres vivants qui sont devant le trône. Bon, de toute façon, gardons ces choses-là. Il ferait mieux de rentrer dans l'excursion de Vlad ici, là, maintenant. Alors, il veut dire que la disposition d'Israël, même dans la marche dans le désert, était prophétique et avait des significations. Le peuple ne pouvait pas tout simplement dire que non, le désert est vaste, on peut se répartir n'importe comment. Le fait qu'ils construisaient leur camp, ils devaient construire leur camp par rapport à l'âge de l'Alliance. L'âge de l'Alliance était positionné. Et la façon dont la tribu de Juda, la tribu de Simeon, la tribu de Lévi devait se positionner importait. Vous voyez? Allons dans le livre des Nombres. Pourquoi vous me regardez comme ça, comme c'était moi qui avais écrit? Allons dans le livre des Nombres là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous y êtes? Nombre chapitre 2. Rapidement, c'est pas le point. Il faut que tout ça dans la sens-ci. Ça me fait que m'amener dans cette direction-ci. Mais il va falloir que vous compreniez ces choses. Le but pour lequel tout ceci a été déployé, c'est pour que vous ne fassiez pas les mélanges. Et c'est cette chose-ci d'inattention qui a amené les pasteurs à prendre des choses mélangées avec le paganisme, l'escatologie en travers ces bêtises-là. Quand ces choses sont positionnées dans les Saintes Écritures, en fait, au sortir d'ici, il veut dire que les choses de l'ancienne alliance ne sont pas mises au hasard. Il n'y a rien qui est dit au hasard là-dedans. Il y a une signification. Et souvenez-vous, c'est Dieu qui a envie de parler. Remarquez qu'il choisit les personnes qui doivent coudre les habits. Le style de couleur qu'on doit mettre. Où on a positionné l'onglet. Où est-ce qu'on a positionné le fil. Où est-ce qu'on doit mettre la ceinture. Les styles de pied, le nom qu'on doit graver. Et il donne l'ordre et façon comment le rangement. Si Dieu prend le temps de dire cela, et il dit à Moïse, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été monté sur la montagne, on doit faire attention. Alors, Nombre chapitre 2, je vais lire rapidement là, rapidement. Vous allez voir donc que, si vous lisez le livre de Nombre, je vais lire rapidement et puis on va faire le résumé. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous des enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et autour de la tente d'assignation. Maintenant, écoutez bien. 1. À l'Orient, ça c'est à l'Est, le camp de Juda. Avec sa bannière et avec les corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nashkon, fils d'Aminadab et son corps d'armée, composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement. Verset 5, à ses côtés camperont la tribu d'Issacar, le prince des fils d'Issacar, Nethanel, fils de Tsoa, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement. Verset 7, puis la tribu des Zabulon, le prince des fils des Zabulon, Eliab, fils d'Élon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes d'après le dénombrement. Vous voyez? Donc, verset 9 maintenant, total pour le camp de Juda. Donc, Juda qui est le chef de ces camps-ci. vous voyez, n'est-ce pas? On a cité donc là, à l'Orient, on a cité Judas, Issachar, Zabulon. Donc Zabulon, Judas, Issachar et Zabulon devaient être placés à l'est lorsque le campement, lorsque l'arche de l'Alliance est positionnée. Maintenant, verset 10 dit, au midi, le camp de Ruben. Donc, Ruben est au sud. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Au midi, donc, le camp de Ruben, avec sa bannière. Verset 12 dit, à ses côtés camperont la tribu de Siméon. Vous y êtes? Verset 14, je lis rapidement. Verset 14 dit, puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad. Donc, au midi, c'est-à-dire au sud, on a encore trois. Ruben, Siméon et Gad. Alors qu'à l'Orient, on a Judas, Issachar et Zabulon. Et on a dit, Dieu a dit clairement qu'ils vont camper. Voilà l'ordre de campement autour de l'arche de l'Alliance. Maintenant, si quelqu'un se dit, hein, non, l'essentiel, c'est qu'on se rassemble. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des juifs. C'est Dieu qui ordonne son peuple. Le peuple doit marcher comme Dieu veut qu'il marche. D'accord? Donc, en résumé, si vous tracez les quatre points cardinaux, c'est parce que vous savez tracer les quatre points cardinaux. Si vous tracez les quatre points cardinaux, vous avez au nord, le nord, le septentrion, c'est au nord. Vous avez la tribu de Dan. Donc, vous allez continuer le chapitre 2 là pour que je revienne dans mon enseignement. Sinon, je suis obligé de lire tout cela. Donc, si vous tracez les quatre points cardinaux, ou bien si vous faites votre main comme la croix, vous faites votre main comme ça, vous ouvrez vos deux bras. D'accord? Si vous ouvrez vos deux bras, vous allez avoir votre tête se situe donc au nord, c'est-à-dire au septentrion. Les pieds sont au midi, c'est-à-dire qu'au sud. Le quoi? Votre main droite est à l'Orient et l'autre est à l'Occident. D'accord, mes chers frères? Maintenant, quand c'est positionné comme ça, d'après ce qu'on a entendu lire ici, le nord, c'est-à-dire qu'au septentrion, nous avons la tribu de Dan, la tribu d'Issachar, puis la tribu de Naphtali. D'accord? Mais au sud, maintenant, comme on vient de voir au midi, nous avons la tribu de Ruben, la tribu de Siméon, puis la tribu de Gad. Et puis, de l'autre côté maintenant, du côté de l'Orient, de l'Occident, nous avons quoi? Benjamin, Manassé et Ephraïm. Vous avez vu ça, frère? Donc, trois ici, trois au sud, trois au nord. Alors, les trois fois, les quatre côtés, ça fait 12 tribus. La question c'est, pourquoi Dieu dit qu'il se roule comme ça? Et vous le voyez dans le désert, l'arche de l'Alliance, la tente de l'Alliance est au milieu. Et ils sont regroupés comme ça par famille, dans les différentes zones. C'est comme ça qu'ils doivent camper. Quand ils se mettent en marche, quand ils se mettent quelque part, ils doivent aller. Et Dieu dit par la suite que quand ils vont se lever pour partir, il y a la façon de se lever. C'est pas tout le monde qui se lève en marchant. Ça, si vous comprenez, frère. Vous y avez moi? Amen. Amen. Voilà. Donc voilà comment la Bible est. C'est pour ça que je suis obligé d'entrer là-bas chaque fois pour ouvrir la Bible pour vous expliquer ces choses-ci. Maintenant, en revenant dans le livre d'Exode, concernant à ce qui nous concerne ici, nous sommes de voir l'ordination pastorale. Écoutez même le mot, ordination pastorale. Tu parles. Bon, alors, donc nous voyons que dans l'ancienne alliance, Dieu a donné l'ordre des ordres concernant le sacerdoce. Tout était régularisé au point où il n'y avait rien que quelqu'un peut poser la question que tel jour va être fait comment. Quand quelqu'un vient devant la tente d'assignation, on sait ce qu'il doit faire. On sait ce qu'il doit être fait et les gens qui doivent faire, tout est régularisé. Même les gens qui devraient, quand on levait le camp pour aller à un autre endroit, il y avait des gens qui étaient spécialisés seulement pour démonter les tentes. Ceux qui démontaient les tentes, ce n'était pas eux qui emportaient. Vous voyez, il y avait des gens qui sont là uniquement pour porter. D'autres personnes qui doivent seulement porter l'arche de l'Alliance et sur leurs épaules. Quand plusieurs fois dans les enseignements, j'en ai parlé par rapport à ces choses-là. Alors donc, c'est pour dire quoi? C'est que Dieu, non seulement a choisi qui doit faire quoi, mais a ordonné lui-même dans le sacerdoce les gens qui sont censés travailler de façon spécifique. Ici, nous voyons comment, pour consacrer, il dit comment la consécration doit être faite. Qui doit coudre les habits, qui doit mettre quoi et comment ça doit se faire. La consécration était uniformément faite et de façon monotone. C'est-à-dire qu'on suivait la même consécration d'année après année. Le rituel était identique. Maintenant, prenez cinq dénominations différentes et voyez donc les différentes consécrations. Vous allez être abasourdi. Maintenant, rentrons dans le livre d'Exode. Vous y êtes? Regardez, on y va. Exode chapitre 28. Je vais rapidement au verset 15 et suivant. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Vous avez vu cela? Donc le pectoral, ce qui portait ici, écoutez bien. Le pectoral était, il y avait ce chose que vous appelez galon ici. On avait fixé des liens ici. Et on a porté cette plaquette-là, ce pectoral-là, ici au-dessus. Et dans cette pectorale étaient gravées les 12 pierres, classées en ordre de 6-6, qui, et les noms d'Israël étaient positionnés là-dessus. Dieu appelle ça le pectoral du jugement. Les pasteurs, vous allez voir les pasteurs catholiques, ils ont les choses roses qui portent des chapeaux rouges et autres là-bas, des attroupements, d'autres qui portent avec des grosses croix renversées, d'autres avec des gros cailloux entre les mains et autres là-bas avec des gros bâtons tordus comme le serpent. Et d'autres encore, ils portent l'habit noir avec des signes rouges sur ça. Ça, c'est de l'église protestante. Ils disent qu'ils sont le modérateur international. L'église pentecôtiste mélange un peu le protestantisme avec le catholicisme et puis même le truc de maraboutisme. Donc, vous voyez, ils vont aller voir avec noir, rouge, blanc, violet, tous les genres de couleurs. C'est les sorciers, vous dites. C'est les sorciers. Alors, continuons ici. Verset 17 dit... verset 15 encore, tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'effort. Tu le feras d'or, des fils bleus, pourpre et cramoisi. Veuillez fermer le micro avant qu'on ne coupe pas ceci. Et des fins leurres de rétors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Donc Dieu donne même les mesures. Donc ce n'est pas n'importe qui choisit sa mesure. Tu encasseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres. La première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Dans la première rangée. Voilà. La seconde rangée, une escaboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront encassées dans leur monture d'or. Donc, à l'intérieur, vous savez, la pierre est taillée sous forme de carré. Et la chose qui reçoit la pierre à l'intérieur est faite en or. Et puis, on taille la pierre, que ce soit la pierre d'émeraude, de chrysolite, ou bien d'onyx, ou bien de jaspe, on taille ça sous forme carré, un peu comme le morceau de sucre. Vous voyez cela, mais sous forme carré. Et puis, on va les mettre dans les montures pour que ça soit fixé sur les fautes qui est cousu en fil bleu et fil bleu cramoisi et rétors. Verset suivant dit, 21, il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Donc si ton nom est gravé sur la pierre de jaspe, cette couleur-là appartient à ta tribu. Et il y a une explication, dis-je. Il y a une explication, je vais revenir dans un autre enseignement. Verset 22, tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. C'est plein. Puis au verset 29, là-bas en bas, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Amen. Maintenant, donc, je voulais qu'on lise là pour que vous voyez effectivement le style des vêtements que les gens portaient, la façon que ça, les couleurs, les différentes choses et les significations. La Bible nous explique ici que pour le cas des sacerdotes là, donc là, pour le cas de la pierre, il était question qu'on porte cette pierre là, les noms qui sont gravés là-bas, et remarquez très attentivement que les pierres de jaspe et autres, ce sont des choses naturelles, c'est-à-dire que Dieu a fait comme ça et qui sont des pierres précieuses. Autrement dit, Dieu choisit Israël. Écoutez-moi maintenant, je vais dire. Si vous pouvez voir mes yeux, voyez mes yeux, mais je me sens vraiment bien. Le fait que Dieu a gravé les tribus d'Israël sur des pierres précieuses montre clairement que ces gens-là, leur amour est gravé de façon irrévocable devant Dieu. Le fait qu'ils sont portés sur la poitrine du souverain sacrificateur pour venir devant le trône de propitiation montre que même si Israël commet n'importe quel péché, ils obtiennent propitiation parce qu'ils sont d'abord gravés par amour dans le cœur de Dieu. Je vais prendre le temps pour m'étayer là-dessus. Mais restons dans la chose. Donc, vous devez comprendre donc que par ces significations, quand Aaron entre dans la tente du sanctuaire, c'est pour amener le péché d'Israël devant le trône de grâce. Et là, quand il sort, le péché est déposé là-bas. Et quand le péché est déposé là-bas, il ressort avec le même nom gravé sur la pierre précieuse. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour Israël est pour toujours. Vous entendez ça, mes frères? Voilà. Alors, chapitre 29. Ça c'est la Bible. Mais regarde là, s'il te plaît. Comment? Oui, comme nous sommes dessus, sur les pierres là, oui. Tu peux essayer de nous expliquer ce que signifie l'émeraude. Si tu expliques émeraude, il va falloir qu'il explique jaspe. C'est pour ça qu'il a gardé ça là-bas, de comprendre. Voilà, ce émeraude là-bas, demande-lui pourquoi on lui a donné le nom. Donc, Exode chapitre 29, pour ne pas perdre pourquoi ne perdre pas le fil. Exode chapitre 29 maintenant. Là, nous avons vu la tiale, le caleçon, les robes, le fin lin d'étoile, l'effort qu'on devait faire et la signification des pierres encastrées avec le nom d'Israël gravé là-dessus. Sur la tiale était écrit sainteté à l'Éternel. Quand il portait la tiare sur sa tête, écrit, c'était écrit, sainteté à l'Éternel. Quand il se positionnait devant la foule, quand il le regardait, l'écriture était devant là sur son front, sainteté à l'Éternel. Pour rappeler au peuple que vous devez comprendre que le Dieu vers qui vous venez vous approcher est un Dieu saint. Amen. Chapitre 29 d'Exode. Maintenant, vous allez voir, maintenant, après quand la pierre et les autres sont faites, il faut maintenant que ceux-ci à qui on a dit qu'ils doivent porter ces vêtements-là, ces vêtements sacrés, pour que ce soit des dignités, pour qu'ils entrent dans leur service, il faut qu'on voit maintenant comment on fait pour les consacrer à leur service. D'accord? C'est donc cela, c'est cela que porte le chapitre 29. Chapitre 29, dans le verset 1. Écoutez. Voici ce que tu feras pour les sanctifier. Sanctifier, ça veut dire que nettoyer pour être mis à part. Lorsque quelque chose est déjà sanctifié par Dieu et mis à part, vous ne pouvez plus toucher ça et aller libre devant le Seigneur. Dieu va vous punir. C'est donc pour cela que les nourritures que les gens amenaient, remarquez très attentivement pour le cas de la nouvelle, pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11 où on parle de du repas du Seigneur, vous vous souvenez du repas du Seigneur, j'en ai parlé dans la Côte d'Ivoire dans la sainteté, que le repas du Seigneur tue. Remarquez très attentivement, quand vous prenez, on dit lorsque vous assemblez, que chacun de vous, quand vous vous mettez à la table, on dit que quelqu'un commence à manger pour son propre repas, après l'autre qui a faim. On dit, voulez-vous mépriser la table du Seigneur? Or la table c'est un objet sur lequel on dépose des choses pour manger. Maintenant, la table initialement vide se trouve à un moment donné appelée la table du Seigneur. Non pas que c'est la table en planche maintenant qu'on en a signifié ainsi, mais c'est la chose par la suite de la rituelle qui se passe au-dessus qui devient maintenant par appellation la table du Seigneur. De telle enseigne que si le frère Olivier avec sa femme prépare le Billy Billy, alors que la sœur Charlotte prépare le coquille et l'autre prépare le ndolé et l'autre prépare le mbongo, l'autre prépare la tchéké. Vous amenez, lorsque chacun prépare ça chez lui, il peut manger dans sa mamie, ça ne dérange personne. Vous voyez cela? Il mange chez lui, ça ne dérange personne. Il mange autant qu'il veut, ça ne dérange personne. Sous réserve qu'il ne fasse pas de la gourmandise, parce que ça c'est un péché. Maintenant, lorsqu'il porte cela pour venir au milieu des saints, en disant que nous venons comme ça pour le repas fraternel, le repas du Seigneur. Lorsque c'est déposé sur la table, le repas devient pour le Seigneur. Vous voyez cela? Donc ce repas est sanctifié automatiquement vu qu'on vient sous le nom du Seigneur. Et donc ce repas est automatiquement sanctifié. Ça veut dire que c'est mis à part pour un but précis pour le Seigneur. Et donc ici dans le chapitre 29 il dit, voici ce que tu feras pour les sanctifier. Donc après cet acte-ci, ils sont déjà mis à part pour le Seigneur. C'est donc pour cela que vous allez voir dans le livre de Daniel au chapitre 5, si vous lisez dans Daniel au chapitre 5, vous allez voir le roi Betsada, ce que vous appelez Belshazzar, ou bien dans le, pour ceux des... les amateurs des religions orientales, là, Balthazar. Lorsqu'il va prendre le pouvoir, il va inviter ses compères là, avec ses concubines. Ils vont prendre les vases d'or et d'argent que nous connaissons, avaient amené de Jérusalem. Ils vont commencer à boire jusqu'à ce qu'ils saoulent. Et puis, subitement, la main de l'or de Dieu va sortir là pour écrire sur les murailles. Vous voyez, ça va compter, peser. Et donc, lorsque Daniel vient pour lui dire, ça révèle ici que ceux-ci ne connaissaient pas la crainte de Dieu. Et par conséquent, il pouvait prendre l'or qu'on a consacré. C'est juste un gobelet. Mais la différence, c'est que ce gobelet avait été consacré pour le service de Dieu. Même si Israël a péché n'importe comment, il n'en demeure pas moins que ce gobelet a été consacré par Dieu, au service de Dieu. Et par conséquent, n'importe qui ne pouvait pas boire là-dedans. On ne pouvait plus faire n'importe quoi. Avant que ça ne soit consacré, c'est fait avec de l'or, ou bien avec de l'argent, ou bien avec du cuivre, les reins, ainsi de suite. Mais lorsque c'est consacré pour le service de Dieu, toute personne qui touche reçoit de l'hémorragie, comme les Philistins en ont eu, lorsqu'ils ont transporté l'arche de l'Alliance. Alors ici, la Bible déclare que voici ce que tu dois faire pour les consacrer. Suivons donc ces choses. Donc à l'issue de ces choses-là, ils sont sanctifiés. Avant cela, ils ne sont pas sanctifiés. Quand cet acte, je suis en train d'insister parce qu'on parle de l'ordination pastorale. Et vous allez voir, on va répondre qu'est-ce qui sanctifie le pasteur, qu'est-ce qu'il les met à part. C'est sur ce point, c'est pour ça que je me tiens à expliquer comme ça pour vous saisir. Ici, dans l'ancienne alliance, dans la sacerdoce lévitique, Aaron a été choisi par Dieu. Il y a un acte qui doit être fait pour qu'il entre en service, pour que désormais il soit coupé du naturel, pour que la dignité lui soit conférée de façon spirituelle. De telle manière que lorsqu'il fait une œuvre, il le fait en vertu, comme quelqu'un dit. Vous voyez un ministre par exemple qui représente un chef d'État ou bien un roi quelque part, il veut décerner une médaille. Le fait qu'on lui a donné l'autorisation d'aller faire décerner cette médaille, il dit qu'en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. au nom du chef de l'État, je vous dessine cette médaille de la vaillance ou bien du chevalier de l'ordre de la valeur. Ces appellations sataniques qu'ils ont tous là, le monde là. Alors, quand cette personne s'est fait, il le fait parce qu'on lui a donné l'autorisation de le faire. Il représente une autorité. Donc, à cette instance, lorsqu'on va faire ça à Aaron, Aaron va entrer à chaque fois qu'il va faire le service. Il est endossé par le royaume du ciel. Je ne sais pas si vous me saisissez. Alors, donc, voir. Verset 1 encore, le chapitre 29 d'Exode. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux bœufs sans défaut. Fais avec de la fleur, de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer, souvenez-vous de ceci, le taureau et le bélier doivent être sacrifiés, donc ça veut dire qu'ils doivent être égorgés. Verset 4, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Regardez le lieu où ils sont consacrés, de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Oh mon Dieu, vous parlez de Babylone dans l'église. Tu les laveras avec de l'eau, soulignez, tu les laveras avec de l'eau. On y va. Verset 5, si vous avez souligné. Tu prendras les vêtements. Souvenez-vous du chapitre 28, on a parlé de vêtements. Ce n'est pas n'importe quel vêtement, les vêtements dont on a fait état dans le chapitre 28. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron. Donc ça veut dire que c'est après avoir lavé. Vous parlez des pasteurs qui achètent leurs robes au marché. Ah mon Dieu. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture d'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. On y va. Verset 7. Écoutez, tu prendras l'huile d'onction. Soulignez l'huile d'onction. Je crois que dans notre enseignement, j'en ai parlé de ces choses-ci. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Verset suivant. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. C'est pas terminé. Tu prendras du sang du taureau. Tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel. Et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Verset 13. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Verset 14. Mais tu brûleras du feu, tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en répandras le sang et tu répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu. La Bible dit d'une agréable odeur à l'Éternel. Permettez-moi, lorsqu'on va vous rencontrer physiquement, on pourra prendre, si quelqu'un vient à ce style de rendez-vous, je suis en train de parler là, vous vous asseyez là-bas. Si vous êtes marié et que votre mari est païen, ne venez pas parce que je vais enseigner peut-être du matin jusqu'à l'autre matin. Si votre mari décide que sa chair est faible et que l'esprit est disposé, il ne peut pas se tenir, ne venez pas. Parce que ces choses-ci, il faut qu'on, vous voyez comment il lit doucement. Il faut qu'on explique toutes ces choses-ci. La Bible déclare que offrez vous-même votre corps comme un sacrifice vivant. saint, agréable à Dieu. Et puis, ils sont en train de parler ici que ce sacrifice est un sacrifice d'agréable au Dieu à Dieu. Donc, vous voyez effectivement que même la mort de cette taureau-là signifiait que la mort de notre vie à la vie du péché et vivant maintenant une vie sainte maintenant pour le Seigneur. On va y revenir. Permettez-moi seulement. Verset 19. Tu prendras l'autre bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron. Tu vas prendre le sang et puis va mettre sur l'aube de l'oreille d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite. Le pouce, quand vous avez fait le corps premier depuis longtemps là, j'espère que vous n'avez pas oublié ce qu'on appelle le pouce, l'index, le majeur, le reculé, tout ça. Le pouce, c'est ça. Le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Remarquez très bien comment Dieu entre dans les détails. On ne doit pas mettre, tu dis que non. Mais là, je pose la question. Et donc, et si quelqu'un n'avait pas l'orteil droit ou bien que il avait le pouce coupé, vous faites comment? Si son pouce droit est coupé. C'est pour ça que Dieu avait dit que les gens qui sont sans, avec défaut, ne doivent pas entrer dans le service de Dieu. Parce que si tu allais travailler les machines là-bas et que ton doigt droit a été coupé, tu ne pourras pas être consacré à ces services-là. Parce qu'il faut qu'on mette. Vous n'allez pas dire que non, l'homme c'est très fort. Et il est entré dans notre école, il est brillant, il peut bien expliquer la loi de Dieu. Bon, comme on avait dit qu'on met sur le pouce droit et qu'il n'a pas de pouce droit, mettons sur le pouce gauche. Ce n'est pas toi qui décide, c'est Dieu qui a dit. Tout, c'est l'oreille droite, le pouce droit, le gros orteil droit. Vous me suivez, bien-aimé? Voilà. Maintenant. La Bible continue en disant, verset 21, tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Écoutez bien maintenant, écoutez comment ça conclut ici. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Fin de citation. Voilà donc la cérémonie des consécrations d'après les Saintes Écritures. Maintenant, je vous lance le défi de trouver un pasteur qui a été consacré comme ça. Trouvez-moi un. Mais j'ai comme l'impression que quelqu'un ici a un frère qui est pasteur ou bien c'est un père qui est pasteur. Essayez de me parler. Quelqu'un ici, c'est qui? Qui a un pasteur là ici? Venez me dire, si vous avez assisté à la cérémonie de consécration, ouvrez les micros maintenant. Vous aimez me poser la question, c'est moi qui vous pose la question maintenant avant d'arriver. Papa, il n'y a pas prêt. Non, ça ne t'a pas, ton ami c'est ma cousine, il ne parle même pas de toi, donc il n'y a pas quoi. ouais. Si vous avez des frères qui est pasteur, votre ami qui est pasteur, ou bien n'importe qui de votre proche qui est pasteur, vous avez assisté à la cérémonie de consécration, vous avez vu des choses faites. Donc vous voyez, vous ne voulez pas me répondre, vous cachez votre frère. Vous ne voulez pas que quand il vous entende, que tu allais me vendre là-bas. Maro dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère Junior. Mm-hmm. Bonjour, frère Junior. Mes frères Junior. Ne me pose pas la question, réponds seulement. Tu es le pasteur, tu n'es pas le pasteur. Non, il n'est pas le pasteur. Oui, attends. Par rapport à ce que tu as dit. Attends d'abord que les gens répondent. Attends d'abord que les gens parlent. Tu vas parler, regarde ça. Qui a le pasteur ici? Yeah. Moi, je suis des prêtres. Des prêtres. Mais c'est la même chose, nos pasteurs prêtres, c'est la même chose. Bon, n'en parlons pas des prêtres. Comme tu dis, prêtres, c'est catholique. Non, nous savons que c'est Babylone, la grande là-bas. Donc, n'en parlons pas. Restons sur les pasteurs. Alors, donc, vous voyez donc que si vous prenez 400 différentes dénominations, ce que les gens appellent église, et que vous voyez les cérémonies de consécration, vous allez voir 400 consécrations différentes. N'est-ce pas, frère? Alors, ces 400 consécrations différentes, telle consécration faite pour lui comme il veut. Il y a des pasteurs qu'on verse l'huile d'olive sur eux, comme ça, ça entre dans leurs yeux. Il essaie de nettoyer. D'autres, encore, quand on verse comme ça, il a la chair et puis il commence à... C'est pourquoi on dit que c'est l'onction qu'il a reçue. Un mensonge. Vous voyez la cérémonie de consécration dont la Bible parle. Donc, c'est ainsi qu'on consacrait donc les sacrificateurs. Ils devaient entrer en service après cela. Et la Bible déclare dans le livre d'Hébreux que c'est comme ça que ça a été fait, la consécration. Et en parlant de la consécration faite par le sang de Jésus, il dit que d'après la loi, les choses étaient consacrées par le sang. C'est pour ça que les citations avaient été consacrées avec les hommes et ainsi de suite. Maintenant, frère Nassiru, parle-moi, tu voulais dire qu'on a dit quoi là? Non, c'est par rapport à ces consécrations des pasteurs là. Oui. Les gens disent souvent que non, est-ce qu'on est obligé de faire, on est obligé de faire tout. Dieu va comprendre. Bon, quand tu essaies souvent de leur dire que non, mais est-ce que c'est ça que vous appliquez? Il y en a que non, est-ce qu'on est obligé de faire tout? Dieu va comprendre comme ça. Bon. Bon, ce qui fait que on finit par les laisser toujours. Bon, écoutez-moi très c'est... attentivement maintenant. Si vous avez été attentif, et soyez attentif maintenant. Il n'y a aucune consécration sur la terre parmi les pasteurs qui est de façon directe ou indirecte ressemble à ceci. Aucune consécration. Bon, comme il dit déjà que il faut faire tout. Il y a des bruits. Cherchez la soeur Albertine. Soeur Albertine, il y a des bergers allemands qui viennent pour te chercher. Vous avez des problèmes avec les policiers. Hein, la soeur Albertine, le chien en train d'aboyer toujours là. C'est chez toi. Oui, là c'est clair. Ne me dis pas qu'il y a les chiens chez les Marocains. Non, c'est pas chez moi. C'est chez la soeur, chez Albertine. Jusqu'à là, son micro n'est toujours pas fermé. On peut avancer maintenant. Alors, souvenez-vous de ce que Sonny dit, aucune cérémonie de consécration, comme le frère a souvent dit, qu'ils ne sont pas obligés de faire tout. Ils ne font d'abord rien qui regarde à cela. Parce que de tout ce qu'on a cité là-bas, vous ne verrez jamais aucune de ces choses au milieu des consécrations des pasteurs. Pas vrai? Maintenant, autre chose la plus terrible, c'est ceci. C'est que Aaron et ses fils ne sont pas venus à la consécration à l'issue d'une formation. J'espère que nous verrons le voir là-bas. C'est le choix de Dieu. Il a choisi Aaron et ses fils. Il dit, mets-les à part. Si vous lisez Nombre chapitre 18, là et autres, là, par rapport à tout ce qu'il a de faire, mets-les à part pour qu'ils m'appartiennent pour le service. Aaron n'est pas allé dans une école de formation théologique pour savoir comment faire ou telle chose jusqu'à ce qu'on lui remet le diplôme. Ou on lui remet le diplôme, sa femme vient lui donner le flux en disant, ouh, il se filme avec la touche. On met dans la maison comme ça pour signifier clairement qu'on est pasteur. Et puis on commence à sortir, on marche partout, on a les habits partout, on sache que c'est un grand pasteur. Il arrive dans les festivités, on le met. Alors la Bible appelle cela les pharisiens. Vous voyez, les pharisiens. Malheur à vous pharisiens. Si vous prenez le temps de lire Matthieu chapitre 23, qui pose juste des larges phylactères. Ils n'aiment pas être salués dans les places publiques, rabbis. Quand ils sont dans les VIP, quand vous lui dites que faites la prière sur la nourriture, il te parle de Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shekenou, Jéhovah Nissi, Jéhovah le Gême, Jéhovah le Tout-Puissant, oh, le Dieu, ils envoient le démon de Jéhovah dans la nourriture. Et la Bible déclare, c'est pas moi qui dis ça, la Bible qui dit qu'ils font pour apparence les longues prières. Ils polluent les veuves. Alors donc c'est cela. Oh, maintenant, par rapport à tout ce que nous avons lu, si vous avez vu effectivement que la couleur d'émeraude, la couleur des jaspes, la couleur bleue de fil de rétor, ainsi de suite, le fil cramoisi est donné. Et de telle façon que si tu voyais un sacrificateur avec sa couleur, tu savais que voici un sacrificateur. Et il ne portait pas ça n'importe où. Dans la Bible, dans le développement, il y avait une chambre où il s'ornait, où on gardait toutes ces choses-là dans la maison du trésor. Donc on voit effectivement qu'il y avait des chambres d'habillement uniquement pour cela. Donc il sortait là-bas dans le sanctuaire. Il ne partait pas n'importe où. Il enlevait ses vêtements pour mettre là-bas. Donc il ne partait pas au deuil avec. Vous voyez cela, ce n'était pas pour aller au deuil. Maintenant, vous voyez un prêtre, un pasteur, il avait sa soutane comme un moine mexicain. Vous voyez, on fait n'importe quoi aujourd'hui. Ah, que Dieu nous vienne en aide. Chez les protestants, mais vous allez voir des franges de protestants qui portent le bleu, l'autre porte le rouge, l'autre porte le noir, l'autre porte le blanc. Vous voulez poser la question, ok, mais vous qui portez le blanc, ça sort dans la Bible. L'Église catholique a fait aussi le blanc, pourquoi on dit que le blanc symbolise la sainteté. Ce n'est pas le blanc qui symbolise la sainteté, d'après ce qu'on a dit de voir là-bas. C'est le fil bleu cramoisi. Vous devez être sanctifié au travers du cramoisi. Le cramoisi, c'est la couleur du sang, pour montrer que c'est dès le sang que Dieu te voit. Après, il porte le blanc comme ça, il couche avec les petits-enfants. Bande de satanistes. Alors, donc vous voyez effectivement que l'apparence de la piété dont fait montre le pape et tous les autres là, ne regardez pas sur le vêtement. Vous allez vous perdre. Ne regardez pas sur le vêtement. Jésus, notre Seigneur, c'est là où nous touchons maintenant la Nouvelle Alliance. Quand Jésus, notre Seigneur, qui est le type parfait, même le Melchisedec promu, quand il est venu, remarquez très attentivement que Melchisedec n'est pas présenté avec les habits de la sacrificature. Vous voyez cela? C'est son œuvre qui montre qu'il est un souverain sacrificateur. Vous voyez, il n'apporte pas le sang des taureaux pour donner. C'est son propre sang qu'il donne. Il est souverain sacrificateur à perpétuité. Vous voyez ça, mes frères? Alors, dans la Nouvelle Alliance, donc maintenant, je commence à poser des questions. Avez-vous vu le souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance avec des habits sacerdotaux? Les ministres qui l'accompagnent, parce que Aaron ici a ses fils qui devaient le seconder. Les ministres qui l'accompagnent dans le sacerdoce, il parle du sacrificateur de la nouvelle alliance. Les ministres qui l'accompagnent ont-ils des vêtements spéciaux? Non plus. Alors on voit dans leur consécration. On peut y aller? Amen. Jean chapitre 13. Notez Jean chapitre 13. Jean le chapitre 13 verset 3 à 8 à 10 verset 3 à 10 qui va lire ça après on va au chapitre 15. Verset 1 à 10. Non, verset 3 à 10. Veuillez écrire automatiquement sur le forum, s'il vous plaît, quand vous entendez. Son verset 3 est tellement éloigné du verset 1 qu'il est en train de chercher encore. Permettez-lui. Je ne sais pas lire, vous arrivez à m'entendre. Ton son n'est pas bon là, c'est Gigi. Laisse comme ça. Écris seulement sur le forum. La seule chose qui est bonne chez toi, c'est quand tu fais le bruit. C'est là où ça, le son sort bien. Alors, quelqu'un va aller nous lire le Jean chapitre 13, verset 3 à 10. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Amen. Donc vous voyez la cérémonie de consécration. Vous voyez le lavement, n'est-ce pas? Vous voyez le lavement. Maintenant, comment se fait que Jésus a dû leur expliquer qu'ils ont été déjà purifiés, il manque seulement à terminer avec les pieds? Un peu comme si vous êtes déjà lavé de la journée et que vous voulez aller au lit, votre pied est sale, vous nettoyez tout juste les pieds puis vous allez au lit. Sur le plan physique, c'est cela. Mais le Seigneur lui l'informe ici qu'ils sont tous purs. Ils sont purs, mais non pas tous. Qu'est-ce qui a fait que l'autre ne soit pas purifié? La Bible, la suite continue là-bas parce qu'il parle là de celui qui devait livrer, qui savait déjà celui qui devait livrer. Alors, il parle de quoi? Alors, chapitre 15, verset 3. Le verset 3 du chapitre 15. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, oui, effectivement, que ceux-ci ont été purifiés par quoi? La parole. Pas n'importe quelle parole, en tout cas. Quelle parole? La parole de vérité. La parole de vérité. Donc le Seigneur, jusqu'à leur a annoncé la parole, ça les a purifiés. Mais pourquoi l'autre qui écoutait la même parole, il n'a pas été purifié? Parce qu'il dit que pas tous. Vous voyez, parce que ça n'a pas pénétré. La sœur Claire, ton micro est ouvert. On y va. Chapitre 15 toujours, qui va nous lire le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Non, mon frère, tu n'es pas là-bas. Je vais lire, d'accord? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous ai envoyé à l'école théologique pour qu'on puisse vous établir afin que vous allez développer, que votre église fructifie. Ça, c'est la version moderne. Vous avez ces versets, ça, chez vous? Non. C'est une nouvelle Bible, ça. C'est une nouvelle Bible. Non. Si vous dites que c'est une nouvelle Bible, alors c'est que c'est ça que les pasteurs là ont. Si, oui, sûrement. Si votre version dit ce que le frère Benjamin a lu, c'est qu'on a des problèmes aujourd'hui, n'est-ce pas, mes frères? Jésus dit quoi? Que c'est lui qui les a choisis. Jésus dit quoi? Non. C'est lui qui les a choisis. Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous entendez quelqu'un dire que non, j'ai choisi de suivre Jésus et je sens que je dois être pasteur. Il dit, qu'est-ce que le moyen pour être pasteur? Il passe s'inscrire à l'école théologique. D'autres personnes disent que non, même si Dieu, tu as l'appel dans ta vie, tu as besoin d'être formé. Je ne sais pas quel champ de Bible on lit. Notez Actes des Apôtres chapitre 4, versets 12 et 13. Notez cela. Non, il faut bien qu'on te forme. Et Dieu merci, il voit les limites. On te forme. Il faut que tu fasses toujours comme un pasteur, un style pasteur. Tu parles. Et par conséquent, il faut parler. Tu contrôles ta moralité des gestuels pour ne pas blesser les gens. Parce qu'on nous a appris que les gestuels et les autres paroles là. Allez dire ça à Jean-Baptiste. Allez dire ça au prophète Jean-Baptiste. Il va vous dire ce qu'il faut. C'est que la prédication du désert. Notez Actes Apôtres chapitre 4, versets 12 et 13 là. Notez cela. Donc là, c'est Jean chapitre 15. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Donc après le choix, vient l'établissement. Donc on t'établit. Quand tu es établi, il t'envoie. Vous avez cela? Choisi par Dieu. Établi par Dieu. Envoyé par Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Choisi par des situations économiques. Consacré par les hommes. Envoyé par notre dénomination dans les branches et les succursales dénominationnelles. Quand tu vas arriver là-bas, quand tu travailles, les dîmes, ça porte beaucoup de fruits. Envoie les dîmes au quartier général. Voilà le verset biblique de notre époque. N'est-ce pas, mes frères? Vous ne voulez plus parler, hein? Ne parlez pas. Jean chapitre 17, verset 17, qu'est-ce que ça dit? Jean chapitre 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, si la parole de vérité vient vers vous, ça va vous sanctifier de toutes façons. Vous avez vu cela? Amen, amen. Terminons. On essaie, on va revenir là-dessus sur cette sanctification-là. Amen, amen. Terminons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 9 et 10 d'abord. 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 9 et 10 d'abord. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. Voilà. Vous voyez? Et c'est ce que nous voyons maintenant sur la scène. C'est que tu le veux ou pas, quelqu'un est mentionné, ou mieux, quelqu'un a un style de vie, qu'on le veut ou pas. Chacun s'est retrouvé quelque part dans ces choses qui sont mentionnées, n'est-ce pas? Alors, maintenant, Dieu est saint. Là, comme on a vu dans ce livre d'Exode, chapitre 29 là-bas, la tia sur la tia a été écrite, sainteté à l'éternel. Comment donc tu vas servir un Dieu saint étant souillé? Il faut une étape de transition entre ton état d'impurité à ton état de purification. C'est ce que le verset 11 va nous expliquer. Allons-y. Et cela, c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Non, ta version n'est pas bonne, mon cher. Ta version n'est pas bonne. On dit qu'on a été sanctifiés. On a été justifié, on a été lavé lorsqu'on a versé l'huile d'onction sur la tête lors des consécrations. Non. C'est pas ce qui est écrit chez vous. Hein? Non. Maro dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Bonjour, Frère Junior. Bonjour, Frère Junior. Voilà. Allons dans le livre de 1 Timothée. Parce qu'on ne peut pas parler des choses pastorales sans toucher ces livres-là. dans, tout à l'heure, dans, je vous ai donné Actes des Apôtres, chapitre, chapitre 4, verset 12 et 13, où l'apôtre Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel on a été sauvé. La Bible va déclarer le verset suivant que lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, il était surpris, sachant que c'était les gens de pas peuple, sans instruction. Mais il parlait avec puissance du Saint-Esprit. Et c'est ceci, je ne sais pas qui a de préparer la nourriture là-bas, maintenant là. C'est maman Albertine encore. C'est pas maman Albertine. Elle bouge la tête dans la négation. Mais regardez, regardez très attentivement. Nous venons de lire. Nous venons de lire dans le livre des. Nous venons de lire dans le. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Nous venons de lire dans le livre des Jean, chapitre 13, comment Dieu lave, comment le Seigneur Jésus-Christ lavait. Il expliquait la purification. Nous avons avancé au chapitre 15, verset 3, comment il dit que déjà vous êtes tous purs à cause de la parole que vous avez annoncée. Nous avons lu dans le verset. Il y a des bruits. Nous avons lu dans le verset 16 du chapitre 15 que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous, et que vous ayez établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. Maintenant, au chapitre 17, verset 17, il dit que Père, sanctifie pas ta vérité, ta parole est la vérité. Et au chapitre 6 du 1 Corinthiens, nous avons vu effectivement comment nous étions tous dans la souillure, mais par la consécration venant du Saint-Esprit, par sa fête nettoyée venant de l'Esprit de Dieu, par la parole, il nous a enlevé du monde pour nous mettre à part. Souvenez-vous de ce qu'on a vu là-bas. Avec cet acte-là, il nous a mis à part pour lui. C'est donc pour ça qu'il peut nous appeler saints. Et on, maintenant, nous voulons annoncer les vertus de Dieu, participer à l'aspersion du sang comme le fit Aaron. Vous y êtes, ça? Amen. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 et suivant. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Ne vous fatigue pas aujourd'hui, non? Timothée chapitre 3, partie du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, rêvé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni donné au vin, ni violeur, ni violent. Ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un mauvais converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans la probe et dans les pièges du diable. Excusez-moi, j'ai trop de bruit. Dans ce cas, ferme ton micro, ma soeur, merci. Ferme ton micro, que Dieu te bénisse. La soeur, le frère Benjeni, il dort déjà. Je continue au verset 8. Les diacres, eux aussi, doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles, en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est bon mon frère. Dans tout ce que vous venez de voir, dans une des conditions là-bas, vous avez vu, ayant au minimum BPC... Est-ce que vous avez vu dans les conditions d'aspiration des évêques pour faire partie des membres du clergé, comme ils disent. Vous avez vu probatoire, plus probatoire à toute série confondue? Non. On a des, cette année de théologie. On a rien de tout ça, frère. On a des problèmes. Mais maintenant, allons dans les scènes écritures, voyons donc comment on les établissait. D'accord? Notez Actes chapitre 6, Actes chapitre 13 et Actes chapitre 14. Vous y êtes? Que Dieu vienne en aide à cette génération. Que Dieu vraiment vienne en aide à cette génération. Verset 1 à 6. Et puis, le chapitre 3, verset 1 à 5. J'espère que vous en avez noté. Le chapitre 14, tu voulais dire, frère. Il dit chapitre 6, verset 1. Verset 1 à 6. À 6. Chapitre 13, verset 1 à 5. Et le chapitre 14, verset 8 à 22. Allons-y, lecture. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui. Pardon, je recommence quoi. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et qu'ils en rendent un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons à cet emploi, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, les imposèrent les mains. C'est comment? Frère Benjamin, c'est ça même. Ça va? Très bien. Voilà. Ça va très bien. Le frère Benjamin nous a tout lu ça. Vous savez qu'en même temps, il faut qu'il vous gère, il faut qu'il gère les visiteurs qui sont à la maison, les gens qui sont venus de loin avec les embouteillages et les crises. Des routes coupées au Cameroun, les embouteillages, car les gens viennent, il faut les satisfaire de part et d'autre. Donc je vais m'en excuser de mon absence momentanée. Encore le Seigneur te fortifie, mon frère. Alors, dans le verset 5 et 6 de Actes des Apôtres, là, il est écrit: cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Et l'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6 dit, c'est là le point, verset 6 dit, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent des mains. Vous avez vu ça, peuple de Dieu? Amen. Au chapitre 14, là, rapidement, au chapitre 14. Le frère Benjamin, il a lu jusqu'où même? Jusqu'au verset 6. Du chapitre 14, hein? Non, du chapitre 6. J'ai lu de 1 à 6. Mais tu n'as pas lu le chapitre 14? Pas encore. Tu as été même où même devant? Pourtant, j'ai donné tout cela. Bon, allons-y, comme puisque nous y sommes, lisons rapidement le verset 19 à 22, hein, jusqu'au 23. Rapidement, lis alors. Alors, suivant d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc si dans le Nouveau Testament, vous dans votre tête, vous ne savez pas comment les cérémonies de consécration normalement des dieux se passent, voilà le verset 23 vous le dit. C'est sans ambiguïté, c'est sans appel. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens font aujourd'hui. Donc quel que soit ce que les gens sont en train de faire maintenant, c'est leur problème. Leur truc de théologie, 7 ans, 3 ans, master en licence, ici, en théologie de la lumière, en théologie des dieux, en étude des pieds de Dieu et de la robe, ça se détend des dieux. Tout ce qu'ils font là-bas, c'est pour eux et pour leur famille. Voilà donc comment ça s'est passé dans les actes des apôtres. Alors maintenant, vous n'allez pas voir une huile quelque part qu'on utilise pour verser sur leur tête, un habit principalement qu'on fait ou quoi que ce soit. On prie, on jeûne et on dit qu'on les consacre entre les mains, on les recommande entre les mains de la personne à qui ils ont cru. C'est ce que les apôtres font, ils les imposent les mains et puis ils partent, le reste c'est entre eux et Dieu. Ces mêmes apôtres aussi, ces mêmes anciens-ci, au chapitre 20, il va les envoyer à Milet, des Milet va les envoyer à Deborah, ils vont venir, ils vont leur dire que, percez le troupeau de Dieu qui vous est sous votre garde. Vous voyez cela, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Vous comprenez ça, n'est-ce pas, mon frère? Donc c'est le Saint-Esprit qui établit. Ce n'est pas un homme qui vient établir quelqu'un, appelé une étude théologique. Alors tous les gens qui ont fait l'étude théologique sont des fous pour venir pervertir l'œuvre de Dieu. Voilà. Je crois que ça va là maintenant, n'est-ce pas? Donc l'ordination pastorale n'est pas scripturaire. Ça ne ressemble ni au Nouveau Testament, non, ni à l'Ancien Testament, encore moins le Nouveau Testament. Donc si ça ne ressemble ni l'un ni l'autre, et qu'on dit que c'est pour Dieu, alors ce sont des sorciers ambulants. Voilà. Je crois que ça va être clair comme ça. Maintenant, puisque nous parlions des sacerdotes et qu'il y a une question concernant la consécration des enfants, allons donc voir la consécration des enfants. Lisons donc principalement Luc chapitre 2. Un bel exemple là-bas. Luc chapitre 2. Je vous aime, mes frères et sœurs, je vous aime. La sœur Gigi a refusé de venir au Cameroun. La sœur Émeraude aussi et la sœur... Tous ont refusé de venir au Cameroun pour nous rendre visite. Bon, il n'y a pas de problème. Et même, elle-même seulement à distance. On va venir. Sûr. Dieu va faire, on sera là-bas. Amen. Mais pas dans les temps de troubles et des temps de dangerosité comme maintenant là. Hein. Ne venez pas actuellement. Ne vous inquiétez pas, au Cameroun, ça va se calmer. Le régime va changer. La situation va se calmer. Le régime va changer. Quel qu'en soit le cas, coûte que vaille, ça va changer. Vous me suivez, n'est-ce pas? Pharaon va quitter le pouvoir. Pharaon. Donc, il monte, qui descend. Il monte, qui descend. Ça ne se passera plus comme avant. Pharaon quittera à coup sûr. Il peut résister à Dieu n'importe comment. Hérode a fait comme ça. Là, on l'a cassé, brisé sans ménagement. Avant qu'il n'entre encore dans ces histoires-là maintenant. Luc chapitre 2, versets 21 à 24. le huitième jour auquel l'enfant de le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice deux douterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est inscrit dans la loi du Seigneur. Amen. Le frère Camille, bonjour et bienvenue. Daigne fermer le micro pour qu'on finisse ce chapitre ici avant que tu n'entres en scène. Daigne fermer le micro. Écoutez très attentivement. Quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 17, verset 12, où Dieu a parlé, institué la circoncision. Il a institué la circoncision. Je vous ai dit tout à l'heure là que Dieu a parfait ses révélations. Il donne une révélation, il avance en expliquant la révélation au fur et à mesure. Dans Genèse chapitre 17, verset 12, il va donner la loi sur la circoncision. Là-bas, il n'a pas parlé de la présentation de l'enfant au Seigneur. Plus tard, dans Lévitique au chapitre 12, non, Exode chapitre 13, verset 2, Nombre chapitre 3, verset 13, 8, chapitre 8, verset 16 et verset 17. Et dans le livre de Lévitique, chapitre 12, verset 8, il va mettre tout ceci au clair par rapport à la consécration, par rapport à la présentation et les choses qu'il faut offrir, les différentes choses qu'on doit offrir lorsqu'on présente l'enfant. Et non seulement cela, il parle du cas où la maman ou bien le parent sont pauvres, ce qu'il faut offrir. Et c'était le cas ici. Maintenant, le point que je vais prendre ici, c'est pour vous montrer, c'est que, un, d'après la Bible, il s'agit des enfants mâles. D'abord, la Bible déclare, et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, parce que si vous lisez dans le livre des Nombres et Lévitique, vous avez remarqué effectivement que quand la femme accouchait d'un enfant de mâle, elle avait 33 jours pour se purifier. Si c'était une fille, elle avait 66 jours pour se purifier de ses impuretés. Et puis par la suite, maintenant, elle va amener maintenant pour la consécration, pour les offrandes pour le nettoyage. Donc en fait, Jésus-Christ est né sous la loi pour accomplir la loi et pour se faire sortir les gens de la loi pour la grâce. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il fallait qu'il accomplisse la loi. Maintenant, la Bible déclare qu'il allait à Jérusalem pour le présenter. Pour le présenter au Seigneur. Suivant, on dit verset 23. Verset 23, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Dans la loi du Seigneur. Dans la loi, c'est écrit ainsi. Dans la loi du Seigneur, voici, et on cite donc ce qui est écrit dans cette loi-là. Et si vous avez votre, Exode chapitre 13, verset 2, là, on dit, tout mâle premier-né sera consacré. Vous avez vu ça? C'est ce qui est écrit. Frères et sœurs, d'où vient-il donc qu'on accouche l'enfant, encore moins qu'il n'y a même pas le temple et les sacrifices à donner? Une fille, on va comme. Non, pasteur, il m'avait présenté les enfants. Le pasteur aussi dit que non, tous les enfants qu'on veut, tous ceux qui veulent présenter les enfants au Seigneur, venez. La femme porte les jumeaux et elle apporte. L'autre porte même l'enfant qu'on a violé, on apporte. L'autre porte toutes les personnes, on apporte. On dit qu'on a de consacrer au Seigneur. Et s'il vous plaît, moyennant 25 000 francs CFA. Il y a l'offrande de consécration, de présentation du Seigneur, de l'enfant. Qu'est-ce que tout ceci signifie pour nous? Depuis plus de 2 ans, nous sommes en train de voir ces choses-ci. Qu'est-ce que ceci signifie pour nous? Nous sommes dans la dépravation, dans l'apostasie totale. Mais vous allez remarquer que toutes ces choses sur lesquelles les pasteurs se basent et se cramponnent aujourd'hui, ce sont des choses qui leur donnent de la nourriture dans le ventre. Vous allez remarquer cela. Mais curieusement, si vous prêchez sur la sainteté, sur le péché, ils vont dire que vous n'êtes pas là pour prêcher les gens, vous êtes là pour juger les gens. Mais si c'est pour l'autre, si, ils vont parler des offrandes matin, midi, soir. Ils vont parler de la construction du temple. Prendre âgé, dire que vos maisons sont, vous habitez dans vos maisons alors que la maison de l'Éternel est bâtie, est abattue, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Allez prendre Salomon, parler qu'il y a Salomon avait amené 120 000 bœufs, on a sacrifié. Devenez de nouveau 120 000 dans chaque enveloppe. Donc le bœuf se convertit maintenant dans l'enveloppe. On a des problèmes. On a des problèmes. Donc la cérémonie de présentation de l'enfant au Seigneur est étrangère au Nouveau Testament. La cérémonie de consécration de l'ordination pastorale est étrangère à la Bible. Pas au Nouveau Testament, à la Bible. Parce que cette cérémonie-là n'est pas faite ni d'après l'ordre d'Aaron, ni d'après l'ordre du Nouveau Testament. Nous avons vu dans le Nouveau Testament ce qui est dit. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 23, que nous avons lu là, effectivement, il dit, après avoir prié et jeûné, il leur recommandait entre les mains du Seigneur en qui ils avaient cru. Vous voyez cela? Au chapitre 17, chapitre 20, verset 17, il dit de Milet, l'apôtre Paul va faire appeler les anciens de l'église, quoi d'Éphèse. Quand ils vont venir, ils vont dire, vous savez qu'au milieu de vous, je n'ai pas crainte publiquement de vous enseigner publiquement dans les maisons. Et puis il va leur parler de cette phase, de cette consécration qui leur a été octroyée par le Saint-Esprit. Il dit que percez le troupeau de Dieu, ce qu'ils aient sur votre garde. Il dit que le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le Saint-Esprit leur a établi. Et nous avons lu dans Jean chapitre 15, verset 16, là que Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez. Pas étonnant donc que dans Actes des Apôtres chapitre 13, remarquez bien l'apôtre Paul, son appel, vous allez voir ces choses ici. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle dans le feu, enfin dans le soleil là-bas, appelle l'apôtre Paul au service. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, tu es qui? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais au chapitre 13, ils sont en train de jeûner, ils s'en servent dans leur ministère. La Bible déclare, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, donc c'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu sais, comment se fait-il que ces pasteurs ne vont pas travailler sans le Saint-Esprit? Comment es-tu pasteur sans Saint-Esprit? Pourtant, le pasteur est le berger du troupeau. Et la Bible déclare que si le berger ne sait pas où il dirige le troupeau, c'est dans le troupeau qu'ils sont les dirigés. Parce que le Saint-Esprit est le guide. Quand il vient, il octroie cette grâce-là, c'est pour que les gens dirigent, pour diriger. Quelqu'un est pasteur, un de ces jours, tu en tant que non. Je crois qu'il y a un pasteur béninois qui dit maintenant qu'il est pasteur Moïse. Je crois qu'on en a parlé, je ne sais pas où, sur quelle chaîne. Où il a parlé, il dit que la Bible est faute pour dire que Dieu n'est pas là parce que la terre est ronde, le ciel est là. Si vous êtes en cette direction, si votre ciel, c'est le haut, c'est là-bas, le haut là-bas. Il tire la conclusion que Dieu n'existe pas. Mais il s'appelle un pasteur. Il a été pasteur. Et il a vu la supercherie des pasteurs, enfin de la Bible, dit-il, et du christianisme. Comment est-il fait pour être pasteur? Vous entendez qu'un pasteur dit que, je crois que dans un autre enseignement, j'en ai parlé. Avec un pasteur évangélique qui est devenu prêtre, il a décidé maintenant de prier Marie, ainsi de suite. Il a vu la gratification de ce mari-là. Alors maintenant, je pose la question, comment était-il devenu pasteur dans le milieu d'évangélique? Dans le milieu pentecôtiste, on pourrait parler en langue, on pourrait maintenant venir voir la révélation qu'il faut prier le rosaire et Marie. Où est-ce qu'on peut être pasteur des hommes et pas pasteur selon Dieu? Pasteur selon les études, mais pas pasteur selon le cœur. Où est-ce qu'on en est? Alors, ce problème de consécration, ce qu'ils appellent la cérémonie d'ordination, est étranger à la Bible. Si un pasteur nous écoute maintenant, il a cette auge, il n'y a que deux alternatives. Soit il continue dans l'initiation à la sorcellerie, ou bien il prend cela, il brûle, il se recommande entre les mains du Seigneur, il reste tranquille parce que le Seigneur l'appelle. Il n'y a pas quelque chose que tu vas dire, je vais me sanctifier comme ça, je vais aller en formation et plus tard, Dieu va m'appeler, s'il veut m'utiliser, il va m'utiliser. Si Dieu n'a pas commencé avec ton appel, il ne doit pas t'appeler plus tard. Dieu, les dons et les appels sont irrévocables, ça c'est un. Et puis ces dons et les appels sont prédestinés. Ça suppose que si tu n'es pas appelé dans le plan de Dieu, à être à la charge des conducteurs, tu ne seras jamais là-dedans. Même si tu es fort, même si tu es éloquent comme tu le veux. Ça ne peut pas être comme ça. Parce que personne, la Bible déclare, Hébreux chapitre 7 qu'on a vu là, chapitre 8 et 9, parlant de la consécration des sacrificateurs sur Melchisedec, enfin sur Aaron, il a dit que nul ne s'érige cette dignité. C'est comme le fils d'Aaron. Parce que Dieu a dit, je t'ai fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Et pour Aaron, c'est Dieu qui a choisi Aaron. Aaron ne s'est pas choisi. Ses fils n'ont pas été choisis par eux-mêmes. C'est lui qui a choisi. Il a désigné de la tribu des Lévi comme ceux qui doivent être à son service. Alors si Dieu désigne, c'est parce qu'il a un plan derrière. Quand il a choisi dans la tribu, il donne les tâches à qui il veut parce qu'il y a une tâche pour laquelle il appelle. Maintenant, si vous êtes pasteur par formation et que Dieu ne vous connaît pas, vous allez servir dans le camp du diable, que vous le voulez ou pas, même si vous prêchez le nom de Dieu. Voilà. Je crois que j'étais un peu plus clair comme ça. Alors que Dieu vous bénisse, on prend une pause et on revient dans la troisième partie pour la suite de la question. D'accord, mes frères? Pendant ce temps, je dis bonjour à mon frère bien-aimé, notre frère bien-aimé Francis et au frère Camille qui sont là-bas. Et même vont vous présenter. Alors, ils sont. Nous sommes amoureux dans la sainteté, mais je ne sais pas d'où ceux-ci sont. Le frère Camille est là et avec le frère, notre bien-aimé. Bonjour à vous. Bon, shalom, shalom à tout le monde. Shalom à vous. Je reste au Canada. Mon cœur reste au Canada. Mon cœur reste au Maroc, même si maintenant je suis au Canada. Donc, frère, oh. Si on te perd maintenant, on n'a pas voir ton cœur en toi. Donc, je matérialise cela en étant visible. Oui. Donc, tu as un cœur invisible qui se trouve au Maroc. Je suis sur mon bien-aimé frère à Montréal, Saint-Jérôme, oui. Le Katomba. Quand je vous vois déjà, vous êtes deux réunis comme ça, il dit que ça montre que mon travail peut baisser de ce côté-là. Que Dieu vous bénisse, vous n'avez pas le choix. Ça montre que vous n'avez pas le choix maintenant que de travailler. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc prenons une respiration musicale. Avant que vous ne nous rejoignez là, nous sommes à près de 3 heures, vous voyez sur votre écran à l'extrême gauche là. Près de 4 heures de temps, donc. On revient tout et on prend une respiration musicale, d'accord? Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Seigneur, Père, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons. Approchons-nous du Père, ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte face.